La main de sable par Horace Bonhoeffer. Le sanatorium était construit dans un endroit solitaire. J'y arrivais vers 3 heures de l'après-midi. Déjà, le pâle soleil d'hiver descendait vers les collines de l'horizon. Le portier me reçut d'un air méfiant. Il ferma lui soigneusement derrière moi. Puis il me conduisit chez le directeur. Le directeur me reçut cordialement. Je lui avais écrit. Il m'attendait. « Vous venez, me dit-il, pour Valentin B. Rassurez-vous, B est ici en interné volontaire. Il est logé à part et passe ses journées en ma compagnie. De l'avis de tous les médecins, son cas est loin d'être incurable. Par exemple, remonte-lui un peu le moral. Je vais vous l'envoyer. » Il sortit. Quelques minutes après, Valentin était dans mes bras. « Ah ça, que se passe-t-il ? » lui demandai-je. « Ce que tu vois ? J'ai le cerveau fêlé. Non. » Nous étions seuls. Je m'approchai de mon ami et je lui parlai à l'oreille. « Voyons, c'est un caprice d'homme de lettres. Tu as inventé cette horrible plaisanterie pour te documenter sur les asiles d'aliénés. Nous allons. » Mais d'un geste, Valentin me fit taire, il s'expliqua. « Je suis fou, ou je crois l'être, ce qui revient au même. Ma folie n'a pour le moment rien de douloureux ni d'extravagant. Je suis calme. Mais que sera-ce demain ? J'ai une peur affreuse d'être pris, d'un moment à l'autre, d'un terrible accès. Pourquoi crains-tu cela ? À cause... Comprends-moi bien. Je suis lucide. Mes nerfs sont tranquilles. Mais ma mémoire fonctionne mal en un certain point. J'ai dans mes souvenirs récents une aventure qui m'est arrivée, indubitablement arrivée. Or, il n'est pas possible qu'elle soit arrivée. Saisis-tu bien ? Tout est logique dans ma tête, excepté cette chose-là. Alors il s'agit d'un trouble passager. De la fatigue cérébrale sans doute. Cela ne t'obligeait pas à venir ici. Je suis venu ici comme certains neurasthéniques se suicident pour échapper à la hantise de la mort. Me sentant menacé du cabanon, je ne pouvais plus vivre. J'essaie de guérir le mal par le mal. Et quelle est cette aventure impossible et pourtant réelle ? Voici. Tu sais que je me suis occupé beaucoup de démonologie. Un jour, en bouquinant, je découvris un singulier petit volume contenant l'histoire de tous les diables de l'enfer. Ce livre, imprimé vers 1500 à Leipzig, donnait des détails curieux sur les mœurs, la figure, le costume, les noms, la généalogie des anges déchus. Il donnait également le blason des principaux d'entre eux. Comme tu te l'imagines bien, ce n'était qu'écus de sable et d'argent, portant des salamandres, des hiboux, des flammes, des têtes de mort et des croissants. Je n'aurais vu là qu'une belle trouvaille, due à un moine épris de science héraldique, sans une recette curieuse que je découvris à la fin de ma lecture. C'était une recette pour évoquer le diable, se distinguant de toute la recette de ce genre par son caractère chevaleresque. Il n'y était pas question de miroir magique ni de poule égorgée, non. Il fallait choisir un des blasons peints dans le petit volume, mettre des gants noirs, s'armer d'une épée et appeler par son nom le diable en combat singulier. Cela me parut tellement original que je résolus de tenter l'expérience. J'en parlai à plusieurs de mes amis, en leur disant le jour et l'heure, minuit naturellement, où le défi serait lancé. Je cherchais un adversaire digne de moi. Mon choix s'arrêta sur un certain Padenbart, marquis d'Arastarabot. Ses armes étaient de gueule à une main de sable à paumer. Le moment arrivé, j'exécutai avec soin les rites prescrits. Aussitôt, je vis entrer chez moi un individu assez ridiculement accoutré en Méphistophélès de carnaval. Je me moquais de lui. « Oh oh ! Ceci est un peu gros. Ce sont mes amis qui ont organisé cela ?»« Parfaitement, » répliqua l'inconnu avec flegme. « Ils m'ont même donné 100 sous pour faire ce personnage. Seulement, tout en cherchant un pauvre diable qui peut servir à leur farce, ils n'ont pas cru mettre la main sur un démon authentique. Allez vous promener. Puisque je suis là, rien ne vous empêche de vous assurer de mon pouvoir. Vous voulez exécuter quelques tours de passe-passe à votre aise. Il en est de difficile. Par exemple, celui qu'annonce votre costume. Pouvez-vous faire de moi un nouveau Faust et me rajeunir ? Facilement. Si vous voulez rajeunir toujours, au lieu de vieillir, vous n'avez qu'à me le demander. J'opère à l'instant et à domicile. Et ce service se paierait ? Rien, puisque vous ne croyez pas en moi. Le tour fait, je m'en irai. Seulement, si vous me rappelez d'ici 24 heures, je serai votre maître. » Ce discours emphatique et provoquant m'agaça. Top ! Criai-je. Rajeunissez-moi et nous verrons bien. L'homme vêtu de rouge me salua jusqu'à terre et gagna la porte. Dès que je fus seul, je m'habillai pour sortir. Mes vêtements me parurent un peu larges, comme si j'avais brusquement maigri. Devant sa loge, ma concierge m'arrêta. Eh, vous avez bonne mine, monsieur Valentin. J'allais dans un café où j'avais l'habitude de venir. À mon entrée, tout le monde me regarde avec stupeur. Mais il a 20 ans aujourd'hui. Quoi ? Pensais-je, serait-ce donc possible ? J'étais tellement troublé que je quittai le café sans saluer personne. Un étrange malaise me torturait. Il me semblait que je fondais dans mes vêtements. J'avais allumé un gros cigare. Un passant me fixa d'un œil sévère et dit « C'est honteux pour un gamin de cet âge. » Alors j'allais me regarder dans la glace d'un marchand tailleur. Je n'avais pas 20 ans, j'en avais 15. Pris d'une panique soudaine, je me sauvai chez moi et je m'enfermai à double tour. Je me mis au lit. La sommeil fièvre me délivra de mes angoisses. Mais le lendemain, me réveillant, je sentis que ma chemise de nuit était devenue 2 fois trop grande. Je n'existais plus. J'étais devenu un enfant, un pauvre enfant sans force, et cela ne s'arrêtait pas. Comment exprimer cette sensation atroce, vivre à reculons, mourir au rebours ? Était-ce un cauchemar ? Il fallait le faire cesser, rappeler ce démon rusé et impitoyable. Je me traînais hors de mon lit. En cherchant après le petit volume posé sur la table, je renversai mon encrier. Sans y prendre garde, je criai à haute voix « Oh, Padendart, marquis d'Arastarabot, viens à mon secours !» Il vint, il me fit signer un papier et tout rentra dans l'ordre. Après son départ, je me retrouvai au lit et dans mon état normal. Valentin s'arrêta de compter, les yeux interrogateurs. « Parbleu, dis-je avec humeur, en voilà une histoire. Comment peut-on se mettre dans des états pareils ? Tu as fait un rêve, rien qu'un rêve. » « Je le pensais d'abord, » riposta Valentin. Mais en regardant ma main droite, je vis qu'elle était tachée d'encre. Ça ne prouve rien. Puis, sur mon mur, il y a encore, une empreinte noire et nettement dessinée, l'empreinte d'une petite main d'enfant tracée à l'encre sur le papier clair. C'était « La main de sable » par Horace Van Hoffel.